Vous écoutez? La croche-oreille. Alors salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, une aventure sonore sur les ondes de CKRL 89.1 et sur la toile à ckrl.qc.ca. Gaëtan Gosselin au microphone, un plaisir de vous retrouver à l'écoute. Je vous propose ce soir un programme de création sonore que j'ai glané au cours des dernières semaines. Des projets axés sur l'idée de complicité, de familiarité, de rencontre et d'introspection. Disons que c'est le lien le plus tangible que j'ai utilisé pour retenir les artistes et les créations de ce soir. Et je débute ça avec un très beau projet qui combine des destins croisés, ceux des artistes visuels Pierre Soulages et Zao Yuki, à ceux des créateurs sonores et musiciens Jeremy Jones et François Giroir. Intitulé « Lettre à Zao », la trame sonore de cet album évoque une correspondance imaginaire qu'auraient entretenue de 1952 à 1957 les peintres Zao Yuki d'origine chinoise et l'artiste Pierre Soulages d'origine française, deux artistes qui ont entretenu dans la vraie vie une très belle amitié tout au long de leur carrière. Jones et Giroir soulignent que la réalisation de l'album est empreinte de similitudes avec la correspondance de Soulages et de Yuki, puisqu'ils ont réalisé tout cela à distance, à la manière d'une correspondance, Jeremy Jones depuis le Canada et François Giroir depuis Macao en Chine. Alors, allons-y d'une première création intitulée « Éloge sur des choses extrêmement délicates ». C'est tiré de l'album « Lettre à Zao ». Thank you. Eh bien, on vient d'entendre « Éloge sur des choses extrêmement délicates », un titre librement inspiré par le titre des œuvres peintes de Zhao Yuki et faisant partie de ce beau projet concocté autour d'une correspondance imaginaire entre les artistes Pierre Soulages et Zhao Yuki. Très belle idée en prime pour se replonger dans l'histoire des arts visuels. On est au cœur des années 50 et ça se passe jusqu'à récemment, puisque Yuki et Soulages sont des artistes marquants du 20e siècle qui sont disparus malheureusement il y a quelques années. Zhao Yuki est peintre et calligraphe chinois, souvent rattaché à l'abstraction lyrique, dit-on, qui a été grandement inspiré par les cultures ancestrales chinoises et les gravures sur ossements. Installé à Paris en 1948, il fréquente l'atelier du peintre Othon Frier ainsi que l'École des beaux-arts de Paris. Il rencontre dans ce contexte Sam Francis, Riopel, Artung, Giacometti et bien sûr Pierre Soulages. En 1950, le poète Henri Michaud écrit d'ailleurs un texte sur les premières lithographies de Zhao Yuki pour en favoriser la reconnaissance. Évidemment, je résume ce soir, il est nommé Zhao Yuki professeur de peinture murale à l'École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris. On est en 1980, avant d'exposer de par le monde. Pierre Soulages, c'est l'artiste abstrait français qui a consacré des centaines de toiles à la couleur noire pendant des décennies. Figure majeure du mouvement abstrait de l'après-guerre, Soulages est présenté dans de très grandes institutions muséales. Des œuvres que vous avez sans doute déjà vues et dont la facture est très singulière, allez voir ça sur le web, vous allez tout de suite reconnaître la facture. Alors, né dans le sud de la France en 1909, Soulages va marquer la scène artistique parisienne d'après-guerre et rencontrer le peintre Zhao Yuki dans les années 50. Alors que Zhao s'inspire des ossements divinatoires qu'on retrouve dans la culture chinoise, Soulages, lui, est fasciné par les peintures murales préhistoriques. C'est dans ce contexte que Soulages amorce ses compositions abstraites avec des rythmes calligraphiques appuyés sur le noir, essentiellement. Une amitié va naître au milieu des années 50. Soulages et Yuki partagent les mêmes marchands d'art, ils voyagent au Japon, aux États-Unis, ils vont se lier d'amitié avec de nombreux artistes, une belle matière pour inventer une correspondance. Alors voilà, on poursuit l'écoute de ce projet intitulé « Lettres à Zhao » de Jérémy Jones et François Giroir. Ce projet de correspondance imaginaire transcende en quelque sorte le travail de création à distance qu'a réalisé Jeremy Jones et François Giroir, l'un au Canada, l'autre en Chine. Je vous parle un peu des créateurs du projet. Bon, François Giroir est un compositeur, multi-instrumentiste et vidéaste né à Joliette. Des études en composition électroacoustique à l'Université de Montréal l'ont mené dans l'univers de la création musicale et sonore, qu'il va exploiter pour les secteurs de la danse, le théâtre, et tout ça en co-création avec Jeremy Jones. Il a réalisé des performances en solo, lancé son premier album de musique électroacoustique intitulé Bestiaire, on est en 2015. Il compose et enseigne aussi la batterie, la guitare et bon, plein d'instruments. C'est donc durant ses années passées à Macao, en Chine, qu'il a travaillé à distance avec son ami Jeremy Jones sur l'album Lettres à Zao qu'on retrouve sur étiquette Cool and Stuff Records. Jeremy Jones est quant à lui compositeur, musicien et éditeur sonore de films basé à Montréal. Son travail explore le point de rencontre intime de la musique acoustique et électronique. Il a étudié la musique à l'Université de Montréal et au Conservatoire de musique de Québec. Il a collaboré avec des artistes de la danse, de la vidéo, du cinéma et du théâtre. Il a aussi enregistré une vingtaine d'albums et fait des tournées au Canada, aux États-Unis, en Angleterre, en Irlande, en France. Bon, j'en passe plusieurs. On écoute un autre extrait de ce projet intitulé « Lettres à Zao » évoquant la correspondance entre les peintres Pierre Soulages et Zao Yuki. Vous écoutez La Croche-Oreille, une aventure sonore sur CKRL. Je vous propose maintenant un projet réalisé par Christophe Migonne et Veda Hill, un projet qu'ils ont réalisé lors de réunions annuelles secrètes dans leur maison. Ça se passait entre 2000 et 2004. Au programme, racontent Migonne et Hill des sonorités minuscules, de machines de guerre, des coups de langue, des chansonnettes vaporeuses, des voix venues de nulle part. C'est tiré d'un album très intéressant nommé Escape Song, des chansons pour s'enfuir, s'évader. On raconte que Veda et Christophe s'écrivaient à l'époque des petites chansons, les enregistraient puis les transformaient par la suite. Alors, allons-y avec un premier enchaînement de pièces tirées de cet album intitulé Escape Song de Veda Hill et Christophe Migonne. shut up with frozen juice. Crazy on you, release me. Down, down, down. Down, down, down. Sympathectomy. Crazy on you, I'm gone. Release me. Down, down, down. Down, down, down. Are you a war machine? So those were all peas. Lucky, lucky luck. Lucky, lucky, lucky luck. Lucky, lucky, lucky, lucky luck. Luck, luck, luck, luck, luck, luck, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky. Lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, luck. Lucky, lucky, lucky, luck. Lucky, lucky, lucky, luck. Lucky, lucky, luck. Luck, luck, luck, luck, lucky, lucky, lucky. Lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, luck. Lucky, lucky, luck. Luck, luck, lucky. Lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky. Lucky, lucky, lucky, lucky. Lucky, lucky, lucky. Eh bien, quelques mots sur les artistes Hill et Migon. Veda Hill est une musicienne, compositrice, créatrice de théâtre et interprète de Vancouver. Elle écrit des chansons, enregistre des disques, coécrit des comédies musicales, collabore à des pièces de théâtre. Elle fait tout ça depuis une trentaine d'années, tout de même. À ce jour, elle a réalisé plus de 20 enregistrements, des créations pour le théâtre, des recueils de chansons écrites autour d'un thème ou d'une période de sa vie. La démarche de Veda Hill s'articule autour de nombreux centres d'intérêt, bon, le monde naturel, l'étonnement, l'inconnu et la complexité des relations humaines. Mais au-delà de tout langage sophistiqué, dit-elle, je traque les chansons qui me trottent dans la tête et je fais de mon mieux pour les transmettre au monde magnifiquement. Christophe Migon, lui, ben, j'ai présenté son travail à plusieurs reprises. C'est un artiste, enseignant, commissaire d'exposition, écrivain. Il a pris une part très active dans les années 90 au développement du Centre Avatar, ici à Québec. Ses explorations artistiques portent sur le langage et la voix, le corps et la performance, l'intimité, la complicité, le son et le silence. Il s'intéresse actuellement aux coups de microphone, au feuilletage de livres et à la fabrication de bruits de toute nature. Évidemment, je résume une démarche très féconde que celle de Christophe. Alors, on écoute un autre enchaînement de ce bel album intitulé Escape Songs. Lying to lick your stock of the wholesome healing. stock of the wholesome hill again, detect in fact, defect intact. I'd love to lock your stack, so quick, so down, so fuck to quick to window walk and count to buns mad and tag return. Eh bien voilà ce qui complète la demi, restez des nôtres, je vous reviens en seconde partie avec d'autres créations dont celle de Pierre-Yves Martel, un hommage à David Lynch et les derniers travaux de Galerie Stratique. Alors à tout à l'heure. Vous écoutez CKRL. Vous écoutez La Croche-Oreille. On est de retour, vous écoutez La Croche-Oreille sur les ondes de CKRL, Gaëtan Gosselin au microphone. On se retrouve ce soir autour de créations sonores inspirées par l'idée de complicité, de familiarité, de rencontre et aussi un peu d'introspection. Et pour débuter la demi, on va écouter ensemble un bel hommage musical et sonore qu'a rendu l'artiste musicien Pierre-Yves Martel au cinéaste, peintre, musicien David Lynch, qui est décédé il y a quelques semaines. Nous avons perdu aujourd'hui, raconte Pierre-Yves Martel, un cinéaste visionnaire. L'imaginaire de David Lynch a profondément influencé mon travail et cette œuvre est mon humble hommage à son héritage. Je referme les guillemets. Eh bien, cet héritage, il est fabuleux. David Lynch raconte quelque part qu'il rencontra un soir, en face de la maison de sa petite amie, un garçon qui ne fréquentait pas la même école que lui, mais qu'il connaissait de vue. Ce garçon lui raconta que son père était peintre peintre. Et Lynch de demander peintre à bâtiment. Et le garçon dit non, artiste peintre. Dès cet instant, raconte David Lynch, un truc a explosé dans ma tête. En quelques millisecondes, dit-il, j'ai décidé d'être peintre. Par ses paroles, ce garçon m'avait donné la permission de se devenir alors que mon curriculum scolaire me destinait à la science. J'ai ainsi commencé à faire ce que je voulais vraiment faire, peindre, de conclure David Lynch. Alors on écoute cet hommage de Pierre-Yves Martel à David Lynch. Je vous propose maintenant des extraits d'un très bel opus de Charles-Émile Beulac, dit Galerie Stratique, un projet lancé en avril 2024 dont le titre est un peu mystérieux. Ça s'intitule « Certaines esquisses, some sketches ». Un album de pistes musicales et sonores dont les titres évoquent des états d'esprit, peut-être une introspection, une relation sensible avec le monde. On écoute un premier jet, ça s'intitule « Jour d'insouciance ». Ça sera suivi d'une autre création intitulé Un moment de réflexion. On écoute ça, très bel album. Thank you. Charles-Émile Beulac, qu'on vient d'entendre, bon, il est connu sous le pseudo de Galerie Stratique, fait de l'exploration sonore et musicale depuis quoi? Plus de 25 ans maintenant, dans le giron de la musique électronique, de couleurs très atmosphériques à travers de nombreuses parutions qu'on retrouve sur les plateformes numériques. C'est un adepte des sonorités concrètes et acoustiques qu'il développe selon une approche qu'on peut appeler aléatoire, expérimentale. On le dit captivé par l'empreinte sonore de ce qui l'entoure. J'aime prélever les sons, jouer avec la matière et en épuiser le potentiel, dit-il, pour livrer une expérience sonore singulière sur les plans électroacoustiques et audio. Si je devais définir une constante dans mon travail, ce serait sans doute le plaisir de maintenir la tension entre l'illusion du familier et l'éclatement des genres. Je referme les guillemets, c'est Galerie Stratique, Charles-Émile Beulac qui nous raconte. Et depuis les notes accompagnant l'album, certaines esquisses, on peut lire « Lounge asymétrique et micro-symphonie, ambiance parfois sereine, parfois placide, synthétiseur, vibraphone, piano, basse et field recording, apparition occasionnelle d'accords jazz, de rythme hip-hop et de mélodies légères. » Alors pour faire foi de tout ça, on écoute un autre enchaînement de ce beau projet intitulé « Certaines esquisses de Galerie Stratique ».